50 en tête sans péconneuse. Car sa mère c'était une bouique. Elle disait qu'il est fort mardique. Dans ces conditions tu comprends qu'il peut jamais avoir d'enfant. Et la morale de cette histoire, c'était que je vis la rue Prana. Au bébé machin, c'est ton cigare. Avec, avec, il pointe sur les roses. J'ai un mari, lui qui travaillait sur la mer. Un samedi soir, les staccades, ce furent les grandes embrassades. Vu qu'elle était fort amoureuse de son pichet, de son féconneuse, on aurait dû lui faire un reuse. Lui, mais la pauvre malheureuse se contentait de son péconneuse. Car sa mère c'était une bourrique. Elle disait qu'il est fort mardique. Dans ces conditions tu comprends qu'il put jamais avoir d'enfant. Et la morale de cette histoire, si t'es une fille de la rue Prana, faut bien me choisir ton cigare. Salut Sten.